Nous sommes avec Raymond Poirier. Comment ça va? Ça va très bien, toi? Oui, passez une bonne Saint-Jean. Ben oui. Il faut. Hey. Il faut. Hein? Surtout qu'on est à Québec, dans la capitale, on est obligé de passer une belle Saint-Jean. T'es ici pour nous parler de quelques itérations à imaginer pour la ville connectée. Exactement. En fait, faut dire qu'on entend de plus en plus parler de l'idée d'objets connectés. Enfin, en anglais, ils appellent ça « the Internet of Things ». Donc, l'idée qu'il y a plein d'éléments de notre vie quotidienne qui vont devenir des mini-ordinateurs, un peu comme notre téléphone l'est devenu au fil des années, oui. Comme notre bloc-notes l'est devenu aussi. Eh bien, qu'en est-il des autos? Qu'en est-il des routes? Qu'en est-il du mobilier urbain, de notre maison, de nos bureaux, etc.? Et évidemment, tout ça dans le contexte de la ville, eh bien, de voir de quelle manière un peu ces éléments-là, qui pour l'instant soit sont encore un peu dans la science-fiction, soit sont de moins en moins justement dans la science-fiction, ouais. Sont en train d'être développés au moment où on se parle. Donc, quelles incidences ils pourraient avoir? Et je me suis toujours amusant de faire un petit inventaire. Ouais. C'est la mode des listes, de toute façon. Tout le monde en fait. Alors, pourquoi pas nous? Effectivement. Et le premier, je te parlais de mobilier. On va se prendre pour BuzzFeed un petit instant. Exactement. Alors, le premier, je me disais les trottoirs connectés. Oui. Donc, évidemment, dans le mobilier urbain, reste que c'est celui qui est le plus accessible. En fait, c'est les trottoirs pour être en mesure de voir de l'information, pour être en mesure d'aller y chercher de l'information. Donc, que ce soit avec des projecteurs, que ce soit avec l'intégration d'écrans digitaux dans les trottoirs eux-mêmes. Mais reste qu'on peut, avec ces outils-là, donc passer quand même pas mal d'informations. Donc, exemple, tu marches et là, on te donne avec des flèches, donc des points d'intérêt. Donc, on met de côté un peu la signalisation traditionnelle. Bon, évidemment, on peut aussi faire la même chose avec la signalétique traditionnelle. On peut aussi donner des informations circonstancielles, des travaux, aller chercher de l'information sur le nombre de gens qui circulent sur le trottoir, etc., etc. On peut aussi penser à beaucoup de publicité. Évidemment. Bien entendu. C'est toujours un peu le à côté, là. Et même dans cette logique-là, il y a aussi l'idée du consommateur connecté. Un truc qui appelle les beacons. Donc, ça permet de traquer les mouvements des foules grâce au smartphone de chaque citoyen. Donc, on va chercher avec cette application-là de l'information sur le consommateur. Donc, exemple, tu marches dans ta ville, peut-être sur ton trottoir connecté, qui te dirige vers une boutique que tu fréquentes régulièrement. Donc, ouais. On t'informe qu'il y a des spéciaux dans cette boutique-là, tu parlais de publicité. Ben oui. Mais tu rentres dans la boutique et ton application, ton beacon est téléchargé par la boutique le moment où tu rentres dans la sphère de Wi-Fi de l'établissement. Et là, les vendeurs qui sont sur place savent ton historique d'achat, savent ce que t'aimerais acheter, connaissent un peu ton historique de paiement, donc peuvent aussi plus facilement te faire payer, donc t'as pas nécessairement besoin de passer au comptoir caisse. Ensuite, tu peux utiliser ça pour aller solliciter l'avis d'autres amis, etc., etc. Oh. Donc, c'est le consommateur connecté donc qui pourrait naître avec ça. Et évidemment... Oh que ça, j'aime pas ça. Ça peut te permettre aussi de rentrer en contact avec des gens quand tu partages des plateformes. On le fait déjà un peu avec Facebook et le reste. Oh, donc, oui. Amis à proximité. Mais dans ce cas-là, ce serait les boutiques que vous avez achetées à proximité. Et que je vais refuser le push, là. Je vais tellement le refuser, là. Ça existe déjà, soit dit en passant. Tu peux télécharger l'application? Je suis convaincu. Je suis convaincu que je peux la télécharger. Je le ferai pas, cependant. Non, mais tu sais, à un moment donné, il y a des limites à se faire gosser par des vendeurs aussi, là. Ben, en fait, c'est avec toujours mon historique de paiement. Ben, en fait, dans la boutique elle-même, dans le fond, tes coordonnées, donc, ils ont déjà ta carte, tes éléments enregistrés. Donc, ça fait que tu peux passer plus rapidement à la caisse. Et ça se passe, par exemple, il y a un truc qui s'appelle Estimote, il détecte un passant entre à peu près 0 et 70 mètres de la boutique. Et donc déjà à 70 mètres, ben ils ont par exemple tes trucs pour un paiement PayPal, ils peuvent t'envoyer les spéciaux qu'ils ont, des choses comme ça. Ah, oh, c'est bon, la possibilité de piratage là avec ça là, il me semble que je vois une porte grande ouverte là. C'est incroyable. Et il y a la maison connectée aussi évidemment qui rentre un peu en ligne de compte. On reviendra un peu au mobilier urbain tout à l'heure. Donc, l'idée se répand de plus en plus de pouvoir contrôler les choses à distance. Donc, ouais. On aime déjà l'idée d'avoir un démarreur à distance qui nous permet de démarrer l'auto 5-10 minutes en hiver pour rentrer, que ce soit chaud. Ouais. Bon, nonobstant toutes les considérations environnementales de la chose, évidemment. Maintenant, si on pouvait faire un peu la même chose avec la maison. Donc, déjà, on peut programmer des éléments dans nos thermostats, leur dire, ben OK, de telle heure à telle heure, tu gardes à telle température, une heure avant que je revienne au boulot, oui. On remonte, etc. Ça, je trouve ça beaucoup plus intéressant. C'est intéressant. Et si tout ça pouvait se faire de manière automatique? Oui. Donc, si ton thermostat pouvait détecter ta présence au moyen de ton téléphone intelligent, au moyen d'une application, oui. Et donc, qui sait à peu près où t'es, Donc, il peut prévoir la bonification de température en temps réel en fonction de si tu te rapproches ou non de la maison. Donc, si par exemple, t'es à 2 km de la maison, ben OK, on commence peut-être à le réchauffer ou à 5 km. Éventuellement, donc, s'il y a beaucoup de gens dans la maison, il va s'adapter. S'il se rend compte que finalement, après un mois, deux mois d'utilisation, qu'il y a des pièces qui sont beaucoup moins utilisées, dans lesquelles il y a beaucoup moins de gens qui circulent, oui. Eh ben on va ajuster aussi la gestion de la température en fonction de ça. Donc, ça prend en compte les habitudes de vie des gens, leurs déplacements dans la maison, leurs déplacements hors maison. Donc ça, des climatisations intelligentes comme ça, il y en a de plus en plus. Et évidemment, donc tout ce qui est la domotique, ça semble être un secteur à surveiller. Il y a quand même, je crois que c'est Facebook qui avait acheté Nest ou Google qui avait acheté Nest. Donc, ça devient quand même assez intéressant pour que des gros joueurs comme ça décident de se lancer là-dedans. Évidemment, pour eux, il y a en plus un potentiel d'information assez intense aussi tout à, fait. À aller chercher, mais... Mais ceci étant dit, c'est intéressant dans la mesure où nous, on le réalise un peu moins au Québec parce que l'énergie coûte absolument rien. Mais ceci étant dit, si on se rapporte en France, en Allemagne, aux États-Unis, l'énergie est beaucoup plus chère et là, ça devient beaucoup plus intéressant. Là. Exactement. Et eux sont en train de développer des initiatives comme ça qui se répandent même à la limite à la grandeur d'un quartier. Oui. Donc, si on est en mesure de prévoir les besoins en énergie d'un quartier et qu'on se rend compte, par exemple, qu'un quartier résidentiel, ben de jour, il y a beaucoup moins de besoins parce que les gens sont au boulot, donc on peut mieux affecter les trafics d'énergie, on peut mieux gérer les surplus, etc., etc. Donc, ça devient quand même assez intéressant. Là-bas, c'est ce qu'ils appellent les smart grids, donc qu'ils essaient de mettre en place. Et c'est un peu, dans le fond, la version à l'échelle d'un quartier, à l'échelle d'une ville, de principe de domotique intelligente. C'est Alstom qui se spécialise là-dedans maintenant aussi. Exactement. Et évidemment, avec tout ça, un peu comme avec notre consommateur connecté, c'est toujours la question de vie privée qui rentre en ligne de compte, dans la mesure où si tu as des systèmes informatiques, ben évidemment, ces systèmes-là peuvent être piratés. Ouais. On peut aller chercher des informations, on peut aller chercher... d'autres types d'informations qui ne seront pas nécessairement utilisées à fin de piratage, mais à fin de promotion et le reste. Ben oui. Donc, c'est quand même quelque chose qui est dans l'échelle des préoccupations. Et si vous avez envie d'ailleurs de voir un peu les objets connectés présentement dans le monde, il y a un moteur de recherche qui s'appelle Shodan qui interroge au hasard à chaque jour des milliers d'adresses IP et qui détecte la nature des installations qui sont connectées là-dessus. Et donc, ce qui nous permet de découvrir, évidemment des individus, mais aussi finalement on découvre des caméras de surveillance, on découvre des crématoriums et autres éléments comme ça parfois plus surprenants. Oui. Et évidemment, tout ça aussi de l'avant le défi qu'il y a au niveau sécurité, parce que celles qui sont répertoriées, c'est pas tout le monde qui est bien protégé. Donc ça c'est l'autre grande réflexion quand on développe un peu et qu'on informatise à tout vent ces éléments-là. Donc évidemment, on informatise la maison. Qu'en est-il du bureau? Effectivement. Aimerais-tu, Jérôme, venir ici à Chiz, t'asseoir dans un bureau connecté qui pourrait, au fil de l'heure de ton émission, te dire, ben OK, là, faudrait que tu t'accotes un petit peu plus le dos sur ta chaise, c'est pas bon pour ton bas de dos. Non. Faudrait qu'on relève un peu tes jambes, donc on va te faire mettre les éléments, qui t'envoie des petits rappels au niveau de la posture, des choses comme ça. Est-ce que t'aimerais ça? Non. Est-ce que tu pourrais le vivre aussi? Je sais, je pourrais le vivre et ça me fait très, très peur. Je sais, c'est moi me faire gérer par une machine qui me dit comment m'asseoir, là, je déteste ça. Mais ceci étant dit, oui, effectivement, c'est vraiment la vie privée. Puis on en a parlé il y a quelques semaines aussi, il y a beaucoup d'éducation à faire avec l'enseignement, là, finalement, des nouvelles technologies, des technologies de l'information aux prochaines générations. Mm-hmm. Qui vont avoir à dealer avec ça, à mettre en place les lois nécessaires pour pas que la vie privée soit en danger par rapport à ça. Il y a une multitude de facteurs qui rentrent en ligne de compte. Exactement. Puis en fait, c'est qu'il y a beaucoup d'informations qui est très, très intéressante aussi. Dans la mesure où dans certaines villes, on parlait de mobilier urbain. Ben, l'idée, par exemple, d'avoir un mobilier urbain intelligent qui est capable de détecter, à partir des adresses IP ou de scanners, combien il y a de personnes sur la rue présentement et qu'est-ce que ça, je devrais éclairer. Oui. Considérant les gens qui sont là, est-ce que ça vaut la peine d'éclairer tout ou je peux aller avec un éclairage un peu plus ciblé? Avec les autos, donc si on est en mesure d'aller chercher de l'information à partir de route intelligente. Sur la circulation automobile, donc d'évaluer la circulation, de voir un peu, on en parle souvent, comment ça se prépare, mais encore là, on peut sauver un peu des éléments de trafic. Évidemment, qui dit plus de scanners dit aussi possibilité éventuellement d'avoir des automobiles sans conducteur, donc il y a Google qui en fait une, il y en a d'autres qui en développent, et l'idée de pouvoir amener ces véhicules-là à faire des déplacements simplement en utilisant des systèmes de capteurs internes et des systèmes de capteurs aussi qui sont placés à l'intérieur de la ville. Pour l'instant, ça se passe quand même assez bien. Évidemment, les utilisations autres que celles liées à des tests sont faites plutôt pour des déplacements à courte distance, ouais, quelques kilomètres, où on peut agir avec un peu plus de confiance, mais reste que pour l'instant, je crois que Google disait dans toutes leurs expériences qu'ils avaient fait avec des automobiles sans conducteur, il y avait eu seulement un accident, et cet accident-là était arrivé quand c'est quelqu'un qui conduisait l'auto sans conducteur pour l'amener au dépôt. Donc, erreur humaine, finalement. Erreur humaine, finalement. Et donc, il y a des éléments comme ça qui sont intéressants de surveiller. Et évidemment, ça reste des initiatives qui sont très, très, très technologiques. Et à ça, je pense que c'est, en terminant, important de se rappeler aussi que toutes les initiatives connectées ou smart, comme on dit parfois en anglais, intelligentes, sont pas nécessairement non plus liées à juste l'intégration de nouvelles technologies, mais plutôt au développement de nouveaux modes et de nouvelles pratiques en lien avec ces possibilités-là. Exemple, on est des travailleurs de plus en plus connectés. Donc, on a nos ordinateurs portables, nos téléphones, on a notre information qui est dans le cloud. J'ai plus besoin d'être au bureau pour nécessairement avoir accès aux informations, exact, ou même à mon poste de travail au bureau. Et donc, dans cette perspective-là, il y a des villes qui sont en train de développer ce qu'ils appellent des smart work centers. Donc, l'idée que les travailleurs ont plus besoin d'être à temps plein au bureau pour être productifs et que des fois même on sauve du temps avec le déplacement et le reste. Ben oui. Donc, il y a peut-être des choses à faire du côté du télétravail. Et, mais évidemment, il y a des moments où c'est utile aussi d'être réuni dans certaines journées de travail, pour des réunions et le reste. Et donc, ces smart work centers-là sont des lieux qui sont utilisés par plusieurs entreprises, autant que des individus, qui vont peut-être, par exemple, les louer une journée par semaine et dire, ben ok, une journée par semaine, tout le monde est au bureau, le reste de la semaine, on est en télétravail, qui vont l'utiliser pour des réunions, qui vont dire, ben ok, moi, j'ai des rencontres de clients en ville, tel jour, tel jour, tel jour, ben je me loue un bureau en ville qui est mon bureau récurrent, mais je l'utilise seulement, par exemple, 3 avant-midi semaine. Les autres avant-midi est disponible parce que j'ai pas besoin d'avoir une utilisation à temps plein de cet espace-là. Ça aussi, c'est intéressant parce que les villes sont de plus en plus populeuses, s'étendent de plus en plus. Il y a donc des problèmes de transport. Même si on arrive avec des voitures électriques, une voiture électrique comme une voiture à essence, tu peux pas passer par-dessus. Et avec le trafic, finalement, là, ça devient intéressant de diminuer le trafic et de maximiser le temps. Je pense que c'était 1,2 milliard par année qu'on perd au Québec à cause que les gens sont pognés dans le trafic. C'est 1,2 milliards en productivité, c'est énorme. Alors que de plus en plus, on peut délocaliser les postes de travail. Il y a des entreprises qui le font déjà quand même aussi de manière assez intéressante dans l'industrie du câble, notamment, où il y a des postes de travail qui fait que certains travailleurs ont de moins en moins besoin de passer au bureau, peuvent aller directement chercher leur camion, partir travailler. Les communications sont quand même assez directes. Donc, c'est des expériences qui montrent que la délocalisation, que le télétravail fonctionne. Reste maintenant à voir de quelle manière on peut l'intégrer dans l'entreprise et de quelle manière ça va affecter aussi la culture d'entreprise, affecter les modes de travail, l'habitude qu'on a et l'idée, mais dans le fond, de la formule de travail traditionnelle aussi, qui est encore persistante dans un contexte où de plus en plus les gens sont de toute façon connectés 24 heures sur 24 ou presque, et où finalement les gens travaillent toujours un peu, comme vivent un peu aussi tout le temps leur vie personnelle, on le voit dans certaines études. Donc ça serait intéressant de voir comment ça va développer tout ça et comment ça va changer un peu le mode de fonctionnement de nos sociétés aujourd'hui et demain. Et surtout demain, parce que là, la proximité humaine devient pratiquement absente, au final. Raymond Poirier, où est-ce qu'on peut vous rejoindre? @itis, barre de soulignement UL sur Twitter, sinon itis.ulaval.ca pour d'informations sur l'Institut de technologie de l'information et société. On a déjà commencé d'ailleurs à sortir certaines de nos conférences pour cet automne, donc faites-vous y rendre, voir un peu qu'est-ce qu'on vous prépare pour l'automne 2014. Superbe, merci beaucoup. On se voit pas la semaine prochaine. Nous, t'es absent, toi, Raymond Poirier. Bien, ceci étant dit, on va essayer de se voir dans 2 semaines. Et d'ici là, porte-toi très bien. Merci, toi aussi, joli jeune homme.